Pour l'heure, on écoute Histoire vivante sur la première. Passez un très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, encore et toujours... Quand le prix du baril était au-dessus de 100 dollars, c'était fou. Le pétrole. C'est l'excrément du diable. Il existe en pratique assez peu d'exemples de pays pour qui la manne pétrolière a été une bénédiction. We are pursuing American energy dominance and by the end of this year... Oh, je vous en prie, épargnez-nous vos commentaires. Hein. 2-3 litres de super, un point, c'est tout. Et le tien n'a pas la capacité de voir clair dans la comptabilité d'une grande société comme Esso. Ces acteurs financiers, c'est-à-dire ce sont des gens, ils n'ont jamais vu une goutte de pétrole. On voit ce pétrole qui sort du trou au fond. Et après, on lève la tête, on regarde autour de nous et on voit des bidonvilles qui n'ont pas d'électricité. L'importation de la benzine devient chaque jour plus difficile. Les réserves établies par la Suisse doivent être économisées. C'est une science, l'évaluation des réserves, mais c'est une science inexacte. Troisième épisode, des promesses, encore des promesses. Dis donc, Dupont. Oui. J'ai l'impression que ça tout saute. Mais tu as raison, Dupont. Et non seulement ça tout saute, mais ça clapote. Et ça, c'est l'essence. Il ne doit presque plus en rester dans le réservoir. Oh, alors prudence. Avant de nous lancer hardiment sur les routes de campagne, faisons le plein. Le plein. Mais comme tu y vas, Dupont. C'est bien que le chef lésine toujours sur les notes de frais. Aussi suis-je plutôt partisan d'engager de petites sommes. Bien raisonné. Tiens, une pompe là-bas. Heureusement, car je n'entends plus le clapotis. Personne. Appelle le pompiste. Voilà, on arrive. Faites pas les 24 heures du Mans, non? Pas très aimable, pompiste. C'est la voix de notre trompe qui ne vous plaît pas, jeune homme? Non, mais je trouvais l'air un peu long. Et à part ça, on vous en met combien? Mais je crois que... Là, Dupont, laisse-moi faire. Eh ben, mon Dieu, je crois que vous pourrez aller jusqu'à 3 litres. 3 litres? Eh ben, dites donc, c'est Byzance. Vous êtes sûr que ça tiendra, là? Ça va pas refouler? Oh, je vous en prie, épargnez-nous vos commentaires. Hein. Nos 3 litres de super, un point, c'est tout. Hein. Et attention, hein? Pas de coup de tuyau, hein? Oui. Mais vous laisserez tout de même quelques gouttes pour mon briquet. Et pendant que vous y êtes, vous n'avez pas une tache à votre veston? Si par hasard il restait encore quelques gouttes dans mon tuyau, ça vous éviterait le teinturier? Ah, suffit, l'ami. Votre briquet maintenant, mon seigneur. Voilà. Doucement, les mains. Encore une petite goutte. Là, parfait. Eh ben, nous voilà parés. Bon, ouais, ça fait combien tout ça? Tout ça? Oui. Bah, le calcul sera vite fait. 3,15. Avec les 6 gouttes pour le briquet, bien entendu. Ah, bah, tenez, voilà, 3 francs 20. Gardez la monnaie. Merci, mon prince. Ah. Et maintenant, en route. En route. Oh, quel plaisir de rouler comme ça en pleine campagne. Et dans une voiture décapotée. L'air, la verdure, la vitesse. Hein? Tiens, tu devrais faire marcher la radio, ce serait complet. Oh, bonne idée, Dupont. Puisque nous l'avons fait installer, autant nous en servir. Voilà. Quand votre cœur fait boum, la dépanneuse Simoun viendra vers vous en vitesse. Boum. Quand votre cœur fait boum, boum, boum, boum, boum, boum. Qu'allons-nous devenir le jour où nous n'aurons plus suffisamment de ce pétrole bon marché? Il faut se réveiller, ça va arriver, on ne sait pas quand, mais c'est trop grave et l'ignorance est trop grave dans ce domaine. Ce cri d'alarme est poussé par Yves Billon, réalisateur d'une longue série de documentaires consacrés à l'or noir. Mais pour que l'ignorance soit éliminée, encore faudrait-il que certaines vieilles lunes soient dépassées. À l'or noir, on a prêté 1000 interprétations, source de richesse, mais aussi de malédiction. Ainsi, les propos de James Atkins, ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite, sont-ils révélateurs? Je me suis entretenu avec le roi Fahd avant mon départ. Ce fut ma dernière rencontre avec lui en tant qu'ambassadeur. Nous avons principalement parlé de l'usage que le pays faisait de ses richesses. Et je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas vous qui avez mis du pétrole dans votre sous-sol, c'est Dieu. Comme il était croyant, je savais qu'il accepterait cette remarque. De toute manière, les Arabes n'ont rien à voir avec la présence du pétrole. Et ils n'ont rien à voir avec son exploitation, car ce sont les Américains qui l'exploitent. Vous avez reçu une richesse extraordinaire et vous l'avez gaspillée. Elle a été en grande partie dilapidée. Je lui ai dit, si vous utilisez cet argent raisonnablement, vous serez béni pendant les 1000 ans à venir. Vous pourrez transformer l'Arabie Saoudite, mais aussi le monde arabe et tout l'islam. Mais si vous gaspillez cet argent, vos descendants déterreront vos os pour les brûler. Il était d'accord, bien sûr. Fahd était toujours d'accord, mais ce n'allait pas plus loin. L'exemple du Venezuela est encore plus édifiant que celui de l'Arabie Saoudite, car cela fait plus longtemps qu'ils ont du pétrole et tout le potentiel de production du pays a été saccagé. Tout le monde sur Terre veut trouver du pétrole. Ils se disent, quelle bénédiction si on en avait. Mais le pétrole est une malédiction. Mathieu Ozano, auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole. Il y a beaucoup de turpitudes au cours du XXe siècle qui ont à voir de près ou de loin avec le pétrole. Mossadegh est le premier ministre de la Perse, de l'Iran, désigné par le Parlement, désigné démocratiquement. Et l'une de ses toutes premières initiatives consiste à nationaliser le pétrole iranien. Pétrole qui, à l'époque, était contrôlé par l'Empire britannique. C'est peu dire que ça ne plaît pas beaucoup aux Anglais, ni à leurs alliés américains. Et les Anglais étaient prêts à attaquer, à envahir l'Iran, tout simplement. Eisenhower était plus mesuré, il a dit « Attendez, j'ai une solution peut-être un peu moins coûteuse et un peu plus maligne ». Donc assez rapidement, il y a une équipe de la CIA, emmenée par un cousin éloigné du président Roosevelt, qui s'appelait Kermit Roosevelt, et qui met en place un coup d'État, finance des mafieux, fait tout ce qu'il faut pour faire tomber Mossadegh. Il parvient, et à l'issue de ce coup d'État, réinstitue le jeune Shah d'Iran, qui va devenir le meilleur allié des États-Unis. Et à cette occasion-là, les pétroliers américains obligent les Anglais à partager le gâteau. Les Français également arrivent à récupérer quelques miettes, l'ancêtre de Total. Mais c'est vraiment tout à fait clairement un coup d'État dont le pétrole est le seul enjeu. Ça occupe cet assassinat de la démocratie balbutiante en Iran est tellement fondamental dans l'histoire ultérieure de l'Iran qu'en 79, lorsque la révolution iranienne de Khomeini renverse le Shah, la première initiative internationale, c'est cette fameuse prise d'otage à l'ambassade américaine, où ce que l'on recherche, ce que les étudiants islamistes recherchent, ce sont des preuves du coup d'État et de la main de la CIA dans le coup d'État contre Mossadegh. Preuve qu'ils vont trouver, puisque les diplomates et les agents de la CIA américains n'auront pas le temps de suffisamment bien détruire tous les documents. Et ce sont des jeunes femmes perses, spécialistes du tissage des tapis, qui vont mettre plusieurs années à reconstituer l'essentiel de ce qu'on connaît de l'histoire de ce coup d'État, et dans lequel on voit absolument de manière incontestable. D'ailleurs, Barack Obama a présenté ses excuses en 2009 au gouvernement iranien. On voit la main de Washington dans cet échec de la démocratie en Iran, un échec lourd, très lourd de conséquences pour l'histoire ultérieure du Moyen-Orient, une histoire dont on peut dire qu'elle est bien entendu aujourd'hui tout sauf pacifiée. L'or noir, une malédiction. Des propos aux emprunts religieux évidents, mais cela peut peut-être se dire aussi autrement. Philippe Kopinski, chercheur et enseignant à l'École des sciences politiques à Paris. Il existe en pratique assez peu d'exemples de pays pour qui la manne pétrolière a été une bénédiction. dans la plupart des cas, ça a été plutôt un frein au développement et, voire dans certains cas, un générateur, un moteur de conflit. Donc pour ces pays, effectivement, avoir du pétrole n'a pas été une bonne chose. Maintenant, ce n'est pas non plus une règle absolue. Il existe bien entendu des pays assez rares, mais il en existe qui profitent du fait d'avoir du pétrole pour se développer. Mais ça nécessite d'avoir des politiques publiques qui prennent en compte les difficultés spécifiques liées à l'arrivée d'une rente pétrolière. Quelques pays font figure d'exception. Des exceptions parfois paradoxales. Extrait de L'Or Noir, le documentaire d'Yves Billon. Avec plus de succès que Boumediene pour l'Algérie, Saddam Hussein saura profiter de ses pétrodollars pour entreprendre un ambitieux programme de modernisation de son pays. Nullement contradictoire d'ailleurs avec la mise en place de l'un des pires régimes totalitaires de notre temps. L'Irak est un pays qui, depuis, en gros, les années 70, n'a pratiquement pas investi les ressources qu'il tire de la production pétrolière dans le système financier international. Il ne les a pas recyclées dans le système financier international. La très grande majorité, en dehors des remboursements, etc., de ces ressources, des dividendes liés au pétrole, ont été réinvestis dans le développement économique interne de l'Irak. Je dis ceci non pas pour excuser le régime de Saddam Hussein, on peut penser ce qu'on veut du régime de Saddam Hussein, mais il reste que c'est un pays qui a essentiellement consacré les richesses du pétrole au développement économique interne, ce qui a donné évidemment une situation tout à fait particulière au sein du monde arabe, puisque l'Irak était le pays le plus développé en 1990. C'est un pays où vous aviez un taux d'alphabétisation à pratiquement 100%, un pays avec une élite scientifique, avec un développement technologique absolument remarquable, un pays laïque, un pays où l'égalité entre l'homme et la femme était beaucoup plus importante, je dirais pas totale, mais beaucoup plus importante que dans tout le reste des pays arabes. L'or noir, objet de conflit. La question ne date pas d'aujourd'hui. En 2005, la télévision suisse s'associait avec le festival Média Nord-Sud sur la question du pétrole. Serge Michel, journaliste. À Bakou, j'ai trouvé un historien qui m'a montré une photo. Malheureusement, je ne l'ai pas reproduite, mais sur cette photo, on voyait Hitler avec un gros gâteau au chocolat qui avait la forme de la mer Caspienne. Et il avait coupé une tranche qu'il tenait en main et qu'il s'apprêtait à manger. C'était la tranche de Bakou. Donc à l'époque, le pétrole soviétique, c'est Bakou à 90%. Et sur cette tranche de gâteau, il y avait un petit Derrick en chocolat aussi. Il s'apprêtait à l'avaler. Et je crois qu'effectivement, si ses troupes à ce moment-là, c'était fin 42, début 43, se trouvaient à 300-400 km de Bakou, sauf qu'il y a le Caucase entre les deux. Elles se sont bloquées dans le Caucase. Les Russes ont livré une résistance acharnée pour protéger Bakou. Et si les Allemands avaient pris Bakou, peu importe Stalingrad peu après, la guerre changeait d'aspect complètement. Je crois que là, il y avait une vraie motivation. Peut-être qu'il n'aurait pas dû aller sur Moscou, etc. Il a perdu du temps. Si vraiment le pétrole était la seule raison de son invasion de la Russie, il serait allé directement sur Bakou, il se serait fichu du reste. Mais il y a là une raison assez essentielle. Et cette photo était vraiment un symbole que je garde en mémoire. À qui appartient donc cet or noir ? Qui s'en dit le dépositaire, le propriétaire ? Quelles conséquences ? Philippe Kopinski. L'existence de la rente qui permet au régime, au gouvernement, de se financer, crée une complète déconnexion du régime ou du gouvernement avec sa population, que ce soit d'une certaine manière le Venezuela, le Nigeria. Aujourd'hui, l'exemple probablement le plus caricatural, c'est la Guinée équatoriale, parce que c'est probablement aujourd'hui l'exemple le plus frappant d'un régime qui s'approprie à titre privé l'ensemble de la richesse publique générée par la rente pétrolière. On trouvera des exemples en Asie centrale également. Dans à peu près tous les pays du monde, exception faite des États-Unis qui ont une législation un petit peu particulière, les ressources du sous-sol appartiennent à l'État. C'est donc l'État qui est propriétaire de la manne pétrolière. et qu'elle soit exploitée par une société nationale, comme dans la plupart des pays de l'OPEP, ou par des sociétés étrangères, comme c'est le cas dans la plupart des pays africains, l'argent sous forme de taxes, de royalties, est payé au gouvernement, à l'État. Après ça, il en fait, si vous voulez, ce qu'il veut, avec le contrôle démocratique qui existe ou qui n'existe pas et qui est un petit peu indépendant de l'existence de cette manne pétrolière. Maintenant, effectivement, la rente pétrolière, elle permet au gouvernement de s'affranchir de la dépendance fiscale vis-à-vis de la population. Il n'a pas de compte à rendre à la population, comme dans une démocratie où le gouvernement se finance par des impôts. Et effet encore plus pervers, il peut s'affranchir de toute activité économique, c'est-à-dire qu'un pays pétrolier ou un gouvernement d'un pays pétrolier peut continuer à avoir un budget alimenté par la rente pétrolière, même s'il n'y a absolument aucune activité économique génératrice d'emplois et génératrice de richesses au sein de la population. Dernier en date des paradis pétroliers, le golfe de Guinée. Point de départ pendant des siècles de la traite négrière vers les Amériques, il est de nouveau l'objet de la convoitise des Occidentaux. Mais cette fois, c'est le pétrole qu'ils viennent y chercher. C'est au tournant du XXIe siècle que le golfe de Guinée devait révéler l'ampleur de ses richesses pétrolières. Un chiffre en donne la mesure. En 2001, sur 8 milliards de barils de réserves découverts dans le monde, 7 l'ont été en Afrique de l'Ouest. Ici, pas de problème d'oléoduc, comme au Caucase ou en Sibérie. Pompé dans l'océan, le brut est directement transporté par tanker, juste en face, au Texas ou en Louisiane, en empruntant la même route que les bateaux négriers d'autrefois. Mais cette source considérable d'enrichissement pour les pays riverains comme le Nigeria, la Guinée équatoriale ou l'Angola, ne profite en fait qu'à une minorité au pouvoir. Dans le même temps, elle entraîne une succession de calamités qui frappent l'ensemble des populations. Symptôme de ces contradictions, alors que le pétrole coule à flot dans les sous des tankers, la pénurie de carburant est devenue un mal chronique qui provoque de véritables émeutes aux abords des stations-service. Il y a pire, les populations exaspérées n'hésitent pas à percer les oléoducs pour se procurer de l'essence malgré les risques d'explosion qui ravagent régulièrement les villages avoisinants. État des lieux avec Serge Michel. Le truc, c'est que le pétrole, on le voit jamais. C'est quelque chose, vous le voyez quand vous le mettez dans le réservoir de la voiture. Ou alors, il faut aller vraiment à la toute origine pour le voir aussi. Entre les deux, c'est l'homme invisible, le pétrole. Donc, on était à Luanda, en Angola. Et là, on va au bord de la mer, sur la plage. Et puis, il y a un type qui garde cette plage. C'est très organisé. Qui se méfie un peu. On lui dit, on aimerait voir. Il paraît qu'il y a du pétrole sur cette plage. Et bon, après pas mal de tractations, il accepte. Il appelle des types qui creusent un trou. Et 50 cm sous la surface, creuser dans le sable, voilà du pétrole qui sort. Et c'est vraiment assez incroyable. Je crois qu'il y a un phénomène géologique assez unique sur les côtes de l'Angola. Mais on voit ce pétrole qui sort du trou au fond. Et après, on lève la tête, on regarde autour de nous et on voit des bidonvilles qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont même pas le droit d'utiliser ce pétrole qui est à 500 mètres de chez eux pour s'éclairer parce qu'en soi-disant qu'il n'est pas distillé, c'est assez dangereux, etc. Et donc des gens qui crèvent la misère. L'Angola, et c'est peut-être le pays où le contraste est le plus brutal. L'Angola, ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'ils en produisent et qu'ils en produisent de façon tellement injuste que vous avez sur le continent des gens qui crèvent la misère et qui subissent la guerre alimentée par le pétrole, et en offshore, donc sur mer, les compagnies américaines qui viennent chercher le pétrole sans du tout se soucier de ce qui se passe sur le continent à 30-40 km de là. Et les tankers arrivent, se chargent de pétrole, partent au Texas. Pendant ce temps, sur le continent, c'est la guerre. C'est vraiment, je crois, le contraste le plus brutal entre la misère et la richesse. Alors, un gouvernement angolais complètement corrompu. Et de ça, on a vu les traces juste après en Guinée équatoriale, où c'était vraiment le début de ce phénomène. Au Tchad, on a longtemps cherché du pétrole et on a fini par en trouver. Une promesse de richesse, pas si sûr. Que reste-t-il à un pays fournisseur de la manne pétrolière ? Lydie Beasemda, chargée de programme auprès du groupe de recherche alternative et monitoring du projet Pétrole Tchad-Cameroun. Bon, le régime de contrat avec le Tchad, entre le Tchad et le consortium dont l'opérateur est ExxonMobil, c'est basé sur les redevances de 12,5%. Et selon l'évaluation économique du projet, au bout de 25 à 30 ans, qui constitue la durée de vie du projet, le Tchad va récolter 2 milliards de dollars US. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que même si on est à plus de 33 millions de barils produits, la part du Tchad est insignifiante, puisque le Tchad doit rembourser à la Banque mondiale, à travers le guichet de la Banque internationale de reconstruction et de développement, doit rembourser à la Banque européenne d'investissement et à la SFI tout ce qui a été prêté. Donc, du coup, les revenus, la part qui revient au Tchad, aujourd'hui, ça représente 61 milliards de francs CFA, qui fait environ 12, quelques pourcents du budget de l'État. Greg Binkert, représentant de la Banque mondiale au Tchad. Pour donner l'historique, dans deux mots, c'est la compagnie Exxon, ils ont négocié la convention avec le Tchad en 1988. Avec le gouvernement de Hissène Habré, encore à l'époque. Et après, ils ont cherché des financeurs pour financer ce projet. Et toutes les compagnies, les banques commerciales ont refusé de donner l'argent parce que c'était trop risqué, ce projet. 30 ans de la guerre civile, c'était un pays enclavé. On connaissait aussi les risques environnementaux. À côté, c'était le Nigeria qui faisait de mauvaises publicités avec tous leurs problèmes. Ils n'ont pas voulu être associés à un projet de tel risque. À ce moment, Exxon est venu pour parler à la Banque mondiale. Parce que les banques, ils ont demandé que la Banque mondiale s'implique dans ce projet pour un peu garantir un bon déroulement de ce projet. Et la Banque mondiale a dit, on peut seulement s'impliquer si vraiment la recette du pétrole va réduire la pauvreté au Tchad, qui est un pays très très pauvre. C'est la condition sine qua non. Mmh. C'est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'était deux conditions principales. D'abord, tous les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale doivent être respectées. La deuxième condition, c'était une gestion transparente des revenus pétroliers. Ça, c'est vraiment la chose unique jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres pays où on a ce mécanisme. Au Tchad, le gouvernement a créé, avec la pression de la société civile locale, mais aussi les ONG internationales qui ont joué un rôle très important, et aussi la Banque mondiale, ils ont créé un collège de contrôle et surveillance des revenus pétroliers. Cette loi a été approuvée à l'Assemblée nationale en 98 et signée en 99. Et ce collège doit autoriser tous les paiements sur les redevances pétrolières. Doivent être autorisés. Sans leur autorisation, rien ne peut être payé. Et pour cette raison, ce collège, ce n'est pas seulement comme une chambre de compte ou un audit. Ils ont vraiment le pouvoir, beaucoup de pouvoir. Ce collège, ce qui est important, il y a 9 membres. Sur les 9 membres, 4 sont de la société civile, 2 sont des députés, 2 sont de l'administration et 1 magistrat de la Cour suprême. Ça, vraiment, c'est un peu une réflexion un peu de tout le pays. Et le poids de la société civile, c'est très important. Et ce collège, ils ont accès à toutes les informations, tous les relevés bancaires, tous les appels d'offres, tout, ils ont accès à ça. Et ça, c'est ce niveau de transparence. Et avec leur participation aussi pour regarder, est-ce que le budget, c'est vraiment pour réduire la pauvreté? C'est très important. Le succès du Tchad, on mesure qu'est-ce qu'on va faire sur le développement rural. Ainsi, l'on veut croire à ce qui serait une première dans ce domaine, la transparence. Mais entre les paroles et les faits, il y a parfois une marge plus ou moins confortable de relativité. Lydie Biasamda. On est habitué à détourner les fonds publics au niveau du Tchad, si bien que quand le collège a la responsabilité de veiller à une bonne utilisation des revenus pétroliers, ça pose problème. Parce que les critères de nomination à des postes de responsabilité au Tchad, c'est ce qu'on voit. Dans tous les autres pays, il faut être du parti politique, du pouvoir, il faut être proche, je ne sais pas, un protégé de tel ou tel autre. Donc c'est dans ces conditions-là qu'il n'y a pas vraiment une appropriation par les ministères prioritaires dont la santé, l'éducation, l'élevage, l'aménagement du territoire. Il n'y a pas une appropriation de ces fonds-là pour pouvoir les utiliser. Ce que j'aimerais aussi préciser ici, c'est que le collège ne suit que les revenus directs. C'est ce qu'on appelle les redevances. Mais tous les revenus indirects ne sont pas surveillés par le collège. Ça passe directement au niveau du trésor. Donc le gouvernement peut en disposer comme il le voudrait. Donc, une bonne partie des ressources n'est pas sous le contrôle du collège. Et l'autre chose, le collège n'a pas la capacité de voir clair dans la comptabilité d'une grande société comme ESSO. Et le Tchad, même aujourd'hui, n'est pas en mesure de comprendre quelque chose. Ils ne peuvent recevoir que ce qui est transféré, comprendre que ce qui est transféré dans le compte du Tchad. Mais qu'est-ce que gagne le consortium ? On n'en sait rien du tout. Et c'est là que se situe le débat. Donc, transparence, on peut en parler, mais à un certain niveau. Notre épisode était intitulé « Des promesses, encore des promesses ». Demain, Jean Crépu sera notre invité. Il est le réalisateur du prochain documentaire d'Histoire vivante. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jean-Philippe Zvalon. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.